Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Oh oui ! Ne me dis pas que c'est le type si, de... C'est horrible, horrible. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus. Yo, j'en peux plus. Yo, c'est le retour de l'alcoolique au propos laconique. Baisse les yeux devant l'icône, lâche trois pièces et ton comique. Si l'existence est une course, elle est conique. On n'est pas de la même coursive, la vie c'est 3-0 dans les gencives. Accro la tisse au canard, on trine comme une canaque. Portant pas les thunes d'avoir une chambre, j'dors toujours sur mon canap. Fil canaille, la vie une course à l'endorphine. J'm'endorphine pour oublier qu'on est qu'en cavale. J'emmène pas large, j'me marre pas comme Cavana. J'alpeigne au pavard, c'est pas banal, corsaire chez les bagnards. Rien à gagner, j'suis pas le sonneur, j'ai mis le sonar. Mais j'suis boycotté, laissé sur le côté comme Laurent Bonnard. Ils ont braté le bonheur, n'enfant qu'un shoot de jet. T'as mot qu'est-ce qu'une chute de gemme, qu'on sent plus tard votre honneur. Confession d'un rouleur, piégé Commodore, puis Commodore. Nacrodeur pour mot d'ordre. La connaissance brûle à chaque vieil homme qui meurt. Tu du déshonneur, ma génération n'est qu'un billet d'humeur. Un paille d'humeur, t'as ton quoi, ton VTC, t'es pas d'humeur. T'as 200 balles, moi je fais le tour du monde en MST. Délesté donc modeste, des verres comme Bob Sura. Connerie incommensurable, on devrait vite en faire des NFT. Je comprends plus rien, ce que j'aime, ce que j'ai détesté. C'est comme les tympes, y'a pas de magie, pour se faire un avis faut tester. J'ai beau pester, intestin sous tes mestas. Ça m'aide à supporter le quotidien, qui es-tu pour le contester. Viens tester carré, jamais érudit, vis dans le formol. Détends-toi franchi, t'assure que tout ça devient bien. Je vais t'informer, y'a la plaque, je suis à côté. Check la dégaine de l'artiste, je vois chérie que je me tiens en forme. Pareil que je suis fermé, mes paroles est de fer. Tous boutards comme à la ferme, voir ma flemme. Merci Big Pharma, BFM 100 balles, Manu 100 bars. On se donne RDV samedi, on changera R avec des cymbales ou un symbole. T'inquiète, j'garde les œillères à table, j'épouse le haut du con. Permettre sa paix que le monde va mal. C'est pas banal, j'rêve du large comme Vaiana. Mais ma capitale c'est Mika, et pas celle du Bala. Deuxième invite, et Kempignon Onoda. J'espère en l'honorateur, pour Bolivie, pour m'honorer.